C'est à l'âge mes premiers pas qu'on m'a appris ta naissance. On était déjà plus d'une dizaine, mais c'est avec toi que j'ai fait le plus connaissance. C'est facile tisser des liens quand on n'a qu'un an d'écart, et quand on a des liens de parenté, mais toujours quelque chose nous sépare. On est réunis par des liens de sang, mais un mur se met entre nous que je détruis à coups de sample. La vie était si facile à l'âge de 4 ans, mais malheureusement on ne choisit pas les décisions des parents. Maintenant, si je te vois une fois par an, mon bonheur est là. Et quand il pleut des larmes de sang, ben j'ouvre mon umbrella. Mais les années qui nous séparaient maintenant nous rapprochent. Facebook et autres réseaux sociaux nous ont fait quelques approches. T'es une petite avec ton super jean. J'ai pas de rancune contre quelqu'un, tout ça c'est clean. L'âge nous rapproche, mais les kilomètres nous séparent. Il n'y a qu'à travers les chansons que mes sentiments séparent. Celle-là c'est pour toi, ça fait longtemps que j'aurais dû le faire. T'es rentré dans ma vie et à chaque rencontre je dois parfaire. Réunis par des liens de parents, t'es une fois par an. C'est pas rentable mais ça finira par rentrer. La vie veut nous séparer mais le temps nous rapproche. On peut graver ça dans la roche ou dans les textes à Gavroche. On peut dire que c'est normal que jamais tu ne me bassines. En même temps t'es ma cousine, yeah. Arrête de me complimenter, tout ce que je fais n'est pas bien. Faut pas l'alimenter. Tu écouteras sûrement ce son en boucle. Moi j'y m'imagine le futur et il est très souple, yeah. Tu verras, le temps nous rapprochera. Je m'imagine déjà, mais qui vivra verra. Qui vivra verra. J'ai traversé maintes épreuves, mais avec toi je n'ai plus à faire mes preuves. Bien sûr que tu passes avant mes amis. Si t'as des questions, c'est le moment de les mettre sur le tatami. Car la vie est un combat où je suis déjà blessé. Mais Alicia, viens avec moi, j'ai un bon bouclier. Tu sais déjà tout sur moi, car on ne se cache rien du tout. 14 mesures, cela suffira, on se reverra au bout. Celle-là c'est pour toi, ça fait longtemps que j'aurais dû la faire. T'es rentré dans ma vie et à chaque rencontre je dois pas faire. Réunis par des liens de parents, t'es une fois par an, c'est pas rentable, mais ça finira par rentrer. La vie veut nous séparer, mais le temps nous rapproche. On peut graver ça dans la roche ou dans les textes à Gavroche, yeah. À la vie, à la mort.